Allô, tu m'entends? Oui. Mais toi, tu m'entends pas. Si, si, si, je t'entends. T'as vu, j'utilise même plus de. We are like a woman. Oula. C'est cool, je m'entends 10 minutes après sur toi, c'est cool. Même plus. Non, moi je connais plutôt celle-là. Huh.